Et il y avait des périodes dans l'année pires que d'autres. Le foin, oui, le foin et la moisson. À Ouais. Kirizit, oui. À Kirizit, c'était le foin et la moisson, c'était dur. Et là, il y avait de l'entraide. Non, pas beaucoup. Et pourquoi tu dis que c'était Oui, dur? après c'était tout pour nous, quoi. Parce que, pourtant, on faisait pas comme à Saint-Bonnet, on s'entraîne, mais pas là-bas. Oui. Parce que le voisin, lui, il te pensait les cailloux, parce que tu le talus. Tu veux faire. Et pourquoi tu dis que c'était dur, le Ben, foin? le foin, parce qu'il fallait faire le foin et tout, la fourche. Il n'y avait pas de tracteur. Ça dépend, c'était au départ, peut-être il y avait Ouais. de tracteur. Non. C'était fonction du temps aussi, la météo. Oui, peut-être, tout. Ouais, Il fallait ou aller vite. le foin est sensible. Le Avant foin, l'orage. Oui, c'est ça. l'orage, il fallait ramasser vite.